moi j'y arrive pas. Quand je ferme les yeux, ouais, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Les autres ça ne compte pas. Je voudrais te laisser mais je n'y arrive pas. C'est toi que je vois, même dans le noir. Je voudrais te laisser mais ce sera pas ce soir. Car c'est toi que je vois. Oui c'est toi que je vois. Pourquoi moi j'oublie pas. Oui c'est toi que je vois.